meurtre dans ma ville natale. On a lu ça dans le journal. Ils disent qu'il s'est fait poignarder sous les arcades, sur les pavés. Il était plutôt jeune, Jean-Pierre. Il avait même pas la trentaine. Il méritait d'être pas crevé sous les arcades, sur les pavés. Il a dû s'embrouiller avec un ennemi de longue date mal luné. Une fois la nuit tombée, ils se sont rencontrés sous les arcades, sur les pavés. Il a peut-être pas eu le temps de balancer une ou deux, trois paroles pour s'expliquer. Il a reçu deux coups de couteau bien mal placés sous le cœur et sur le côté. Sa démarche trébuchante autour de lui virevolte des étoiles filantes. Il entra dans ce peuple sans parler, sans bouger, sous les arcades, sur le palier. À l'heure du dôme dégoulinant de sang, les quelques clients poussèrent des cris terrifiants. Voyant ce type s'effondrer, s'écrouler sous le barret, sur le plancher. Jean-Pierre, la mort a sonné quelques minutes après l'arrivée des pompiers. Il mord à pleine dans la poussière du café. Il a pris son envol, il a quitté ce monde d'arcade et de pavé. Il a pris son envol, il a quitté ce monde de barges et de tarés.